إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est toujours dans le hadith numéro 2 selon les explications d'Allah Musta'an. Mais il faut être patient d'Allah Musta'an. Donc on en est toujours donc au hadith numéro 2 parce qu'on fait l'étude des 40 Nawawiyah. Hein. Et j'attends toujours la réponse du frère là pour avoir les livrés là chacun. Tu l'as toi ou pas? Ouais, tu l'as? Tu l'as ramené? Ouais. Masha'Allah. Avec Khan. Ouais, j'ai pensé aujourd'hui. Allah Musta'an. Ça doit être toujours dans ton... Bah c'est ça parce que je regarde. Non. Donc dès que je les aurai, je les distribuerai, Inch'Allah. Les 40 Nawawiyah. Hein. Et donc, on avait déjà étudié le hadith 1, le hadith 5, parce qu'ils sont liés, je disais. Et puis, on est en train d'étudier le hadith numéro 2. Mais la spécificité du hadith de Jibril, lorsque le prophète, lorsque Jibril, alayhi salam, questionnait le prophète, alayhi salam, sur les piliers de l'islam, les piliers de la foi, donc j'avais dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler chaque pilier, pour comme ça, on est en fait dans ce hadith-là, on est quand même une bonne compréhension que ce soit les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Comme ça, lorsqu'on continue les autres hadiths, Inch'Allah, s'il y a des détails, on se réfère donc aux explications de ce hadith 2, Inch'Allah. Parce qu'il englobe tout. Oui, il englobe tout. Donc le hadith 1, 5 et le hadith 2, ça englobe une grosse partie. Ensuite, il y a d'autres hadiths où est-ce qu'on va faire des explications plus détaillées, Binallah. Donc on avait expliqué le premier pilier de l'islam et on en est au deuxième pilier de l'islam. On avait décrit les ablutions, donc je vous ai donné ça parce que donc je vous avais montré comment on faisait les ablutions selon la sunna. Donc ça fait un résumé, yani vous pourrez réviser ça bismillah. Et puis on a commencé la salat, la prière. D'accord? Donc je vais faire un résumé sur la prière. Bénéficier Inch'Allah les frères qui n'étaient pas là. Donc je vais peut-être vous voulez que je ferme voilà. C'est mieux parce que sinon ça va rentrer le bruit. Donc on avait dit lorsqu'on rentre dans la salette, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? L'intention. D'une part, l'intention. Les ablutions, déjà barakallahu fik, les ablutions. Bon, déjà, avoir les ablutions. Bon, ça, c'est dans les conditions qu'on va voir, Inch'Allah. On a dit qu'il y a chaque acte d'adoration, il y a les piliers et il y a les conditions. S'il y en a un qui manque, ça annule l'acte d'adoration. On avait dit que le pilier, eh bien, fait partie de l'acte d'adoration et la condition est préalable à l'acte d'adoration, d'accord? C'est-à-dire la condition, eh bien, une prière sans ablution est invalide. D'accord? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Miftah al-salat, al-wudu al-tuhur, ou bien al-wudu al-tuhur, Miftah al-salat al-tuhur, la clé de l'ablution, c'est les ablutions. S'il ne se rappelle plus, si par exemple il vient sans les ablutions et il fait la prière. Ouais. Il ne se rappelle plus qu'il les a faites et il termine sa prière. Et après, il se rappelle pas, eh bien, il doit recommencer la prière. Ah. D'accord? Il doit recommencer la prière. Donc, eh bien, la clé de la prière, ce sont les ablutions. Donc, il se doit de faire les ablutions. Une fois qu'il a fait l'intention, il a dit Bismillah, il a fait les ablutions, comme c'est décrit ici. Ensuite, là, il est prêt. Mais pour que l'œuvre, l'acte d'adoration de la prière soit accepté parmi les conditions qu'on avait vues, oui, mais avant de commencer déjà, il faut déjà que l'heure soit entrée. D'accord? Il faut déjà que l'heure soit entrée. Si quelqu'un prie en dehors de son heure, la prière n'est pas acceptée. C'est considéré comme une dans le cas où est-ce que lui, il a l'intention de prier. Par exemple, il veut prier Dhuhr. Mais le soleil, yani, est toujours au zénith. D'accord? Et lorsque le soleil est au zénith, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire qu'il est yani, au niveau le plus haut. Il n'y a pas d'ombre. D'accord? C'est un peu compliqué dans cette région-là. C'est un peu compliqué d'avoir le soleil yani, au top, mais pas d'ombre. Mais par exemple, au bled, par exemple, tu as cette période-là, tu la vois bien. Parce que t'as pas d'ombre. D'accord? C'est-à-dire que le soleil est vraiment au top. Et lorsque il commence un peu à avoir de l'ombre, alors l'heure du dhohr rentre. D'accord? L'heure du dhohr rentre. L'heure est rentrée. Donc, c'est bon, j'ai mes ablutions. Je suis musulman. Parce qu'on avait dit, un kafir, il ne peut pas prier. D'accord? Et puis, il ne faut pas faire comme certains. Il leur dit, vas-y, c'est pas grave, viens prier avec nous, je sais pas quoi. Ça, c'est invalide. D'accord? Le mécréant, c'est invalide, la prière. On n'encourage pas un mécréant de faire un jeûne ou bien de prier. Si déjà on ne l'a pas invité à unifier Allah dans l'adoration et à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Parce que s'il n'a pas fait les deux attestations de foi, il ne peut pas prier, mais c'est interdit. De prier, de jeûner, c'est juste une perte de. C'est une fatigue pour lui. Ce sera une fatigue parce que déjà, il ne le fera pas pour Allah azzawajal. Et même s'il dit qu'il fait sincèrement pour Allah, mais qu'il n'est pas musulman, eh bien c'est invalide. Vous savez, quelqu'un qui est musulman, qui fait ses prières, mais qui se met à faire du shirk akbar, du polythéisme majeur, c'est-à-dire qu'il va au niveau d'une tombe et il va dire, ah, Sidi, je ne sais pas quoi, donne-moi, protège-moi, ou je ne sais pas quoi. Il va invoquer autre qu'Allah. En ayant fait ça, toutes ses œuvres deviennent invalides. Toutes. C'est-à-dire toutes les salats qu'il a fait, zéro, il n'y a plus rien. Tous les hajj et les omra qu'il a fait, zéro. Tous les aides qu'il a fait pour donner aux pauvres et tout ça invalide tout. Comme Allah Azza wa Jal dit, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. S'ils associent quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, toutes leurs œuvres deviendront vaines. Oui. Donc, il est musulman, il a fait ses ablutions, niya de faire la prière, d'accord? Et il se met en direction de la qibla, d'accord? En direction de la qibla. Bon, là, en l'occurrence, c'est comme ça. Donc je me mets ici, là, d'accord, pour essayer de montrer à peu près tout le monde. Donc, la première chose, c'est que je me mets en position debout. On avait dit, ça c'est un résumé, après on va voir dans le détail avec l'épreuve, Yarni, non, Inch'Allah. Donc je me mets en position debout, en direction de la Qibla, et on a dit, tous les membres doivent être en direction de la Qibla. C'est-à-dire même les pieds, ils doivent être en direction de la Qibla. D'accord? Et c'est une erreur, comme je disais, il y en a, ils sont comme ça, en canard. D'accord? Donc ça, c'est pas correct. Il faut que tous les membres soient en direction de la Qibla. Il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut que tous soient en direction de la Qibla. D'accord? Et on avait vu qu'on écarte un peu entre les doigts, d'accord? On ne les serre pas. Parce que lorsqu'on les serre comme ça, c'est lors du sujoud. D'accord? Donc on écarte un peu, on lève soit au niveau des oreilles ou soit au niveau des épaules. J'ai dit au niveau et on ne fait pas cette béda de vouloir toucher comme ça là. D'accord? Parce qu'il y en a, ils veulent à tout prix toucher le lobe comme ça. Donc il n'y a rien qui prouve que tu dois toucher le lobe des oreilles pour faire la takbirat al-ihram, on est d'accord? Donc ce qui est authentique, c'est que tu fais au niveau, comme ça tu dis Allahu Akbar, ou bien comme ça. Et tu fais juste comme ça. On a dit, tu fais pas comme ça, et ensuite tu fais. D'accord? Il y en a, ils font. Comme si ils appuyaient sur quelque chose, voilà. Tu dis Allahu Akbar en levant, soit ici ou soit ici, d'accord? Ensuite, ce qui est authentique, c'est que tu poses ta main droite sur la main gauche sur la poitrine, d'accord? Et ça, vous le trouverez dans le Mouatta de l'imam Malik, rahimahullah, les deux hadiths authentiques sur cela notamment, d'accord? Et le titre du chapitre, pourtant, subhanallah, il s'appelle le chapitre de poser la main droite sur la main gauche, hein, durant la prière. Donc, main droite sur main gauche et sur poitrine, d'accord? Comme on le verra dans la hadith, Inch'Allah. Et on regarde l'endroit de prosternation, d'accord? Et on commence à réciter la Fatiha et la Sunna lors de la récitation. Donc, on commence bien sûr avec des invocations, d'accord? Et ensuite, on commence après avoir dit A'udhu Billahi Minash Shayatin Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, on commence à réciter la Fatiha. Et la Fatiha, on la récite verset par verset. On ne les suit pas tous d'un coup. D'accord? On ne dit pas Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Non, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Vous voyez, là je prends mon temps, je fais verset par verset, et en faisant ça, je m'assure que toutes les shedda ce sont les doublements de lettres, d'accord ? Je m'assure que toutes les shedda sont prononcées. On avait dit que la fatiha, je vous avais dit la semaine dernière, c'est 11 shedda. Les shedda, ce sont les, c'est le signe comme ça. Vous voyez, l'epsilon qui est couché, voilà, ça va le faire. Donc, c'est un dédoublement d'une lettre. Donc, s'il manque une shedda dans la récitation de la fatiha, la salat est invalide. D'accord ? Une shedda, la salat est invalide. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, comme on le verra dans le hadith, inshallah, il n'y a pas de salat pour celui qui ne récite pas avec la fatiha du livre. D'accord ? L'ouverture du livre, la surat al-fatiha. D'accord ? Donc, s'il manque une shedda dans la récitation, cela invalide la prière. Donc, verset par verset, ensuite on récite une surat. Une autre sourate, d'accord ? Et une fois qu'on a récité Fatiha et ensuite quelques versets après la Fatiha, ou bien, d'accord ? Eh bien, on lève les mains en disant Allahu Akbar et on pose donc les mains sur les genoux en écartant les doigts, d'accord ? On les écarte comme ça et on agrippe les genoux, d'accord ? Donc, c'est pas correct de faire comme ça ou de faire comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est pas correct. Je dis parce que j'en avais vu, ils mettent leur main sur leur tibia. C'est pas correct, ça. Donc c'est comme ça. Et lorsqu'on fait comme ça, on doit voir que c'est comme un arc qu'on doit avoir ici. Ici, mon bras, c'est la corde de l'arc qui est tendue. Et ici, c'est l'arc, là. Tu vois ? Donc tu vois l'arc comme ça et puis la corde tendue, donc t'as comme ça. En faisant comme ça, tu t'assures d'avoir, et en regardant l'endroit de la prosternation, tu t'assures d'avoir le dos droit. D'accord ? Dans le hadith, c'est comme si, même si tu versais de l'eau, ça, l'eau elle reste stable dessus. Donc, il n'est pas correct, je dis, il n'est pas correct de mettre ses mains comme ça, collées. Parce que vous voyez comment que c'est bombé le dos ? Vous n'avez pas un dos qui est droit là. Vous êtes comme ça, ou bien ceux qui font comme ça. C'est pas correct, ça. D'accord ? Ceux qui sont comme ça, inclinés comme ça, c'est pas correct. Il doit être horizontal, le dos. Il faut pas être collé comme ça. Il faut pas être collé comme ça. Et il faut pas être, je veux dire, écarté comme ça en mettant comme ça. C'est-à-dire les mains, au lieu qu'ils agrippent, d'accord ? Ce sont les mains, les doigts, ils sont en direction vers le bas et j'agrippe les genoux. Ça doit être comme ça et je tends. Et je tends mon bras. Et donc, si la personne, en fait, met ses mains à l'horizontale et plie au niveau de ses coudes, vous voyez le dos comment c'est ? Donc, c'est pas correct. Voilà. Donc, on s'assure qu'on est bien comme ça. D'accord ? Et on pose. Donc, même les pieds, lorsque vous posez, il faut être stable. Si tu te mets comme ça, c'est pas correct. D'accord ? Il suffit que quelqu'un rentre dans le rang, tu tombes. D'accord ? Il faut pas être... Il faut que tu t'assures qu'au moins, à peu près pour être stable, que tes pieds soient au niveau de tes épaules. D'accord ? En ayant à peu près hein, tes pieds au niveau de tes épaules, c'est-à-dire même s'il y a un frère qui vient et qui va se mettre debout à côté de toi, donc je me mets comme ça normal, essaie de mettre tes pieds épaules. Vous voyez, regardez, naturellement, nos épaules et nos pieds sont collés. D'accord ? On ne laisse pas de place au shaitan. Et on avait dit, lorsqu'on est dans le rang, que la cheville, donc ma cheville doit être au niveau de la cheville du frère à côté. Parce que ça, c'est l'axe du corps. Donc on n'a plus besoin de lignes innovées là aujourd'hui. Tu vois, parce qu'ils tracent des lignes et tout ça, cela sur un tapis. Donc juste en ayant en fait les chevilles contre chevilles, on a la ligne qui est droite, vous voyez. Je ne savais pas cette innovation de... Allez, ça, c'est pas rapporté, ça, des pieux prédécesseurs. Ah ben, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il poserait la question, enfin, il ferait une affirmation pour que les gens, ils se mettent en rang. Exactement. S'il y a déjà des lignes, mettez-vous au niveau des lignes. Donc, non, il n'y avait pas, c'est les nains. Mais oui, en plus, le problème des lignes qu'ils mettent là actuellement, c'est que vous voyez qu'ils mettent la ligne là. C'est-à-dire que, tu vois, tes ongles doivent être sur le bord de la ligne. Et non pas... et non pas tes talons. Encore, si tes talons, ils y seraient, là, le rang, il serait droit, parce que chacun mettrait ses talons, donc la cheville, elle sera cheville-cheville. Ouais, on n'a pas la même taille des pieds. Voilà, exactement, ce que je voyais avec le frère Giovanni, c'est-à-dire que là, on a à peu près la même taille des pieds, mais avec Giovanni, où est-ce qu'il a des pieds plus petits, lui, il arriverait, sa cheville, elle arriverait là, ça veut dire que son épaule, elle serait là. Et moi, je suis là, derrière lui. Donc vous voyez que ça, c'est pas droit. Donc on s'assure, je sais pas la clope. Donc cheville contre cheville. D'accord ? Et vous voyez que là, c'est droit. Donc je suis en position d'inclinaison. On a dit qu'on dit trois fois Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. D'accord ? Puis, donc on prend son temps. On dit pas Tu vois ? On dit voilà, faut prendre son temps parce que le fait d'être apaisé dans la salette, ça fait partie des conditions de la salette. D'accord ? Et vous vous rappelez de ce hadith-là de celui qui a fait de façon mauvaise sa salette. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prié et il lui a dit, donc une fois qu'il a terminé, il venait pour partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». Il a recommencé de la même façon comme il l'a fait la première fois. Et il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». Donc il est reparti pour prier, mais il a reprié comme il avait déjà prié la première et deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que Yanni, retourne et prie, tu n'as pas prié. Et donc il dit, oh envoyé d'Allah, je ne connais que cette façon-là de faire. Donc apprends-moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment faire la salette et comment il doit être apaisé à chaque mouvement de la salette. D'accord ? Apaisé à chaque mouvement de la salette. Puis une fois que cet homme est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il serait resté sur ce qu'il était, eh bien il serait entré en enfer. Voilà. Ça c'est pour quelqu'un qui vise sa salette mais qui ne la fait pas normal. On ne parle même pas de celui qui la délaisse. Hein. D'accord ? Donc on a dit, on est en position d'inclinaison. Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Et je me relève en levant mes mains. Je dis, Sami Allah liman hamida, Rabbana lakal hamd. Et on avait dit, je repose ma main droite sur la main gauche, sur la poitrine. D'accord ? Donc, le fait que, pourquoi je repose ? Parce que les preuves authentiques, elles sont sur le fait que pendant la prière, on pose la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Et il n'y a aucune preuve. Lorsque tu te relèves du rokou, tu les laisses le long du corps. Il n'y a aucune preuve sur ça. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de hadith authentique, ni de hadith faible, ni de hadith inventé. Il n'y a rien sur ça. D'accord ? Qui serait rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant qu'il laisse les bras le long du corps. D'accord ? Les hadiths, ils sont sur... Pendant la prière, tu as la main, et pendant que tu es en position debout, main droite. Sur main gauche, sur poitrine. D'accord ? Donc tu dis Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, les différentes adhiya qui sont rapportées, les différentes invocations qui sont rapportées dans les hadiths authentiques. Puis donc tu t'es relevé du rukou, tu fais une légère pause. D'accord ? Une fois que tu as dit Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd, je sais pas, tu descends direct. Tu fais une légère pause. D'accord ? Tu es apaisé dans la salle, tu n'es pas là pour prendre le train. La dunya, tu l'as mis derrière. Tu as fait takbirat al-ihram, tu as tout balancé derrière toi, là, la dunya et tout cela. D'accord ? Tu es dans la salette, là, en communication directe avec Allah Azza wa Jal, dans ta salette, par l'intermédiaire. Tu dois être voué qu'à cela, qu'à l'adoration que tu vois à Allah Azza wa Jal seul, en étant sincère quand tu l'as fait. Donc tu prends ton temps. Subhanallah. Tu dis Sami Allah liman hamida. D'accord ? Et tu reposes tes mains sur main droite, sur main gauche, sur poitrine. Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Et les différentes invocations. Et c'est bien de changer d'invocation à une autre. Ce qui est rapporté authentiquement, d'accord ? Inch'Allah. Ensuite, on descend donc en sujoud, en prosternation. Et donc, on dit Allahu Akbar. Là, on ne lève pas les bras. On avait dit que les mains, on les levait que 4 fois pendant la prière, d'accord ? 4 fois, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre la prière, Allahu Akbar, d'accord ? Lorsqu'on va en inclinaison, Allahu Akbar. Lorsqu'on se relève de l'inclinaison, Samia Allah Liman Hamida, donc on fait 3. Et lorsqu'on se lève de la première, du premier tashahhud. D'accord ? Au niveau de la deuxième unité de prière, d'accord ? Lorsqu'on fait le tashahhud, lorsqu'on se relève, eh bien on lève les mains pendant qu'on se lève, d'accord ? Donc, on les relève quand on dit Allahu Akbar ou tu vois quand t'es à genoux ? Ouais. Tu les lèves ? C'est-à-dire la quatrième fois, c'est lorsque t'es comme ça là, tu fais le tashahhud, d'accord ? Le premier tashahhud, hein ? Donc tu fais le tashahhud. Tahiyatu lillah, salawat, tayyibat, d'accord ? Tu fais le tashahhud, tu dis tout ce qui est mentionné authentiquement dans le tashahhud. Et une fois que tu as terminé, donc tu te lèves, comme on va le voir, comme on va se lever, et tu dis Allahu Akbar, d'accord ? C'est pas donc, quand t'es à genoux en fait ce que tu fais. Non, c'est pas quand t'es à genoux, c'est pendant que tu te lèves, d'accord ? Pendant que tu te lèves pour revenir en station debout, d'accord ? Tu continues. Donc, on descend les mains d'abord avant les genoux, d'accord ? Parce que vous allez lire parfois, oui, il y a une divergence selon les savants. Yani, ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques, et comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de descendre avec ses mains d'abord avant les genoux. D'accord ? Et c'est ce qui est, et c'est l'avis qui est en général mentionné donc, par les savants. Et donc je descends, je dis Allahu Akbar. Je commence à descendre avec les mains, et j'ai les mains qui sont les doigts donc. Je resserre tous les doigts, d'accord ? La paume de la main doit bien être collée au sol et les doigts ne doivent pas être écartés les uns des autres, mais resserrés. Et tous les doigts doivent être en direction de la Qibla. Et on pose les mains soit au niveau des oreilles ou soit au niveau des épaules. Donc là, c'est au niveau des épaules, d'accord ? Je serai comme ça. Et sinon, au niveau des oreilles, je serai comme ça. D'accord ? Donc lorsque je pose, donc j'ai tous mes membres en direction de la Qibla. Vous voyez, tous les doigts en direction de la Qibla. Et puis, mes pieds, ils sont joints. Et vous voyez que mes orteils sont... Je les plie pour que ce soit en direction de la Qibla. D'accord ? Donc je les joins. Et je descends. Et on avait vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait mentionné donc, qu'il n'y a pas de salat pour celui dont son nez ne touche pas le sol. Celui qui ne fait pas toucher le sol à son nez, c'est-à-dire qu'il lève la tête comme ça, là, d'accord ? Il ne touche pas. Eh bien, la salette est invalide. Ça annule la prière. Si le nez ne touche pas le sol, ça annule la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, donc en prosternation, il se mettait sur 7 os. D'accord ? En disant le front et en montrant son nez. Donc le front et le nez, ça fait 1, d'accord ? Les deux mains, 2, 3. Les genoux, 4, 5. Et puis les deux pieds, 6, 7, d'accord ? Donc je suis comme ça, en prosternation. D'accord ? Je dis 3 fois, Subhan Rabbil A'la. C'est minimum 3 fois, d'accord ? On dit minimum 3 fois, Subhan Rabbil A'la. C'est pour, rester, prendre son temps et être apaisé en prosternation. Et c'est pendant que tu es en prosternation que tu invoques... Tu fais le plus d'invocations possible, d'accord ? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que on était plus proche d'Allah azza wa jal lorsqu'on était en état de prosternation, et donc il fallait augmenter le nombre d'invocations. Et là, on s'était arrêté donc à ce point-là lorsqu'on se relevait de la prosternation, d'accord ? On en était là donc à la prosternation, et là on se relève de la prosternation. On s'est arrêté à ce point-là. Et on va parler d'une sunna qui est méconnue, et dont beaucoup délaissent, de par le fait qu'elle soit méconnue. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. D'accord. Donc, une fois qu'il se relève de la prosternation, il dit Allahu Akbar. Et il pose donc, vous voyez, la jambe gauche il la met comme cela, il la met comme cela pour s'asseoir dessus. D'accord ? On s'assoit sur la gauche, comme ça. Et il mettait donc son pied avec ses orteils là, et l'autre pied là, en direction de la Qibla. D'accord ? C'est-à-dire je suis comme ça. Comme ça. Je suis assis que sur le gauche. Je ne suis pas assis sur le droit. D'accord ? Et avec les orteils en direction de la Qibla. Et là, on va voir en fait qu'est-ce qu'on fait là, avec la main. D'accord ? C'est pas on le laisse juste comme ça. Et donc, une fois qu'on est en cette position-là, « Wa kana yaqul, Allahumma ighfir li, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. » Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations. Donc, entre les deux prosternations, on ne reste pas comme ça. En attendant, quand est-ce que l'imam il va repartir pour l'autre prosternation? Ça, c'est un résumé, vous savez, du livre de la description de la prière de l'imam l'Albani, rahimallah. Naam, il y a aussi ça. Oui, il y a aussi ça. Donc, il y a aussi ça, exactement, voilà, Clopix. Mais c'est, vous savez, ce sont des invocations tu vois, ces invocations-là, tu dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, tu le dis trois fois, ou tu dis Allahumma ighfirli, warhamni, wajburni, warzuqni, wahdini, warfa'ni, wa'afini. Donc c'est des invocations que tu dis. Tu demandes le pardon à Allah Azza wa Jal, qu'il ait miséricorde sur toi, ou Allah ait miséricorde sur moi, yani consolide-moi, élève-moi, guide-moi, pardonne-moi, d'accord, et donne-moi la bonne provision, d'accord. Et donc c'est ce que tu dis donc entre les deux prosternations, d'accord. Je vais vous sortir aussi ça, yani inchallah bismillah, en résumé, yani voilà. Puis, lorsqu'on est dans cette position-là, alors que maintenant la question c'est comment on pose nos mains durant la prière, d'accord. Donc, est-ce qu'on les pose comme ça, les deux posés sur les cuisses, d'accord. Ou qu'est-ce qu'on fait exactement. Eh bien, ce qui est, en fait, c'est une sunna méconnue, c'est de... Et pourtant, c'est ce qui est rapporté authentiquement. On dit c'est une sunna méconnue, mais c'est ça qui est rapporté authentiquement. Il n'y a aucun hadith qui prouve qu'entre les deux prosternations, tu étends ta main droite sur la cuisse. Il n'y a aucun hadith qui prouve ça. D'accord ? Il n'y a aucun hadith qui prouve que tu te mets comme ça. Aucun. D'accord ? Mais ce qui est rapporté, comme on va le voir, Inch'Allah, c'est que tu étends ta main gauche sur ta cuisse et que tu empoignes comme ça, tu fais comme un point comme ça et tu... pointe ton index en direction de la Qibla. D'accord ? Et ça, c'est entre les deux prosternations. D'accord ? Et pendant qu'on est comme ça, on dit Allah, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. D'accord ? Vous le dites trois fois. Ou bien sinon, vous dites la plus longue Allahumma ighfirli, warhamni, wajburni, warzuqni, wahdini, warfa'ni. D'accord ? Donc, lorsque vous avez dit cela, ensuite on descend dans la prochaine prosternation, la deuxième prochaine prosternation, d'accord. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. Puis il dit Allahu Akbar et fait la prosternation comme on l'a décrite dans la première, d'accord. ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى مواضعه. Donc une fois donc là il en est à la deuxième prosternation, puis il dit Allahu Akbar et il s'assied donc sur sa jambe gauche. Il se relève pas directement comme ça, vous voyez, pas il fait Allahu Akbar et il se lève. Non, on dit Allahu Akbar. On s'assoit tout d'abord comme ça, que tous les os reviennent à leur place, d'accord ? Avant de se lever, d'accord ? Et on dit Allahu Akbar. ثم ينهد معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. Puis, donc vous voyez, j'étais à la deuxième prosternation, je dis Allahu Akbar. Et là, qu'est-ce que je fais? J'appuie, vous voyez les poings serrés, des poings serrés sur la terre, là, comme ça. Je m'appuie dessus. D'accord? Pour me lever. D'accord? Allahu Akbar. Et je me lève. D'accord? Et là, tu commences la deuxième. Donc, je me lève. Et je commence donc la deuxième raka. D'accord? Parce qu'une raka, c'est une inclinaison et deux prosternations. Si par exemple, l'imam, il en est à la première raka, première unité de prière. Il dit Allahu Akbar. Et il se met en position inclinée, en inclinaison, d'accord? Donc bien sûr, dos droit, d'accord? Et toi, tu rentres dans la mosquée, tu les trouves qui sont en position inclinée et qu'ils en sont à la première raka. Donc tu rentres, tu dis Allahu Akbar pour faire takbirat l'ihram. Tu rentres pas directement comme ça, d'accord? Tu dis Allahu Akbar. Et ensuite, tu dis Allahu Akbar. Donc la première fois Allahu Akbar, c'est pour ouvrir la prière, d'accord? Pour rentrer dans la prière. Et la deuxième, c'est pour se mettre en inclinaison. Et tu te mets en inclinaison avec l'imam. D'accord? Puis, tu te relèves après qu'il s'est relevé, d'accord? Si tu as atteint l'inclinaison, tu as atteint la prière comme cela est rapporté authentiquement. Je vais envoyer le hadith. Donc, parce que ce cas-là, tu vois, ce sahabi-là avait expliqué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait fait. Et il avait fait le taslim avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit qu'il a atteint la première raka. Il a atteint la première raka, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu as atteint la salat. D'accord? Il n'a pas besoin de rajouter une autre raka. Dans le cas maintenant où est-ce qu'il arrive, ils ont déjà fait une raka. D'accord? Ils ont déjà fait une raka. Donc, toi, tu rentres, tu vois qu'ils sont déjà, je ne sais pas moi... ils ont fait une prosternation. D'accord? Ils ont fait une prosternation. Donc toi, tu dis Allahu Akbar. Tu arrives, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. La deuxième. Et donc, tu t'assois comme eux, puisqu'ils en sont à la première, donc entre les deux prosternations. D'accord? Donc, tu t'assois et ensuite, tu complètes avec eux. Lorsque l'imam il fait le taslim, toi, tu te relèves et tu refais une raka. D'accord? Tu peux pas dire que par exemple, non, il n'a pas terminé la première raka, donc c'est bon, je peux me contenter à faire le taslim avec lui. Non, parce qu'il faut que tu aies atteint l'inclinaison. D'accord? C'est la condition, c'est ça? Ouais. Parce que c'est la première raka, il faut vraiment... Il faut qu'il ait l'inclinaison. S'il arrive et l'imam s'est relevé de l'inclinaison, alors il a pas atteint la raka, d'accord? Il faut que tu commences avec l'inclinaison pour atteindre la raka. Parce qu'une raka, une unité, c'est une inclinaison et deux prosternations. Peut-être qu'il n'a pas resté là. Parce qu'il n'a pas resté là. Oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à ce sahabi? Il lui a dit, tu as atteint l'inclinaison, tu as eu la salette. Mm. Donc, il ne lui a pas dit de rajouter une raka parce qu'il n'a pas récité la fatiha. Mm. Là, il ne pouvait pas le faire. Il descendait en inclinaison. Il a eu la raka et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a attesté que sa salat était valide. Le problème, il est dans le fait que lorsque, par exemple, on prie la salat du Asr ou les autres prières, l'imam, il dirige la salat, et il y a des frères, ils sont comme ça. Ils ne récitent rien. Ils sont juste debout derrière l'imam. Et ils font les mouvements. Ça, c'est pas correct, ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait clairement dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la fatiha. Donc tu dois réciter la fatiha et tu récites la surah pendant les prières silencieuses. Chacun récite, d'accord? Mais il ne faut pas que tu restes comme ça. Non, je récite avec mon cœur. Non, tu dois t'entendre, d'accord? Tu dois t'entendre, c'est-à-dire tu dis... Que je m'entende au moins. Il ne faut pas non plus que ça distrait, que ça dérange les autres à côté, d'accord? Mais que je m'entende minimum. Donc ça, c'est ce point-là. L'autre point, c'est lorsque, par exemple, l'imam, la prière du Maghrib, et l'imam récite donc la Fatiha, et il récite après une surah, et il y en a, il récite rien. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que on se doit de, mais après bon, il y a une divergence selon les savants sur le fait que est-ce que s'il a du temps ou s'il n'a pas du temps, est-ce qu'il y a un temps de silence pour réciter la Fatiha ? Parce qu'on se doit de réciter la Fatiha. Après que l'imam ait récité la Fatiha. D'accord ? L'imam, il a récité la Fatiha. Ensuite, on se doit de réciter la Fatiha. On ne peut pas réciter en même temps que l'imam. D'accord ? C'est-à-dire, ou devancer l'imam dans la récitation de la Fatiha. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement indiqué que l'imam, il doit être suivi. D'accord ? C'est le guide dans la prière. C'est pas pour qu'on le devance. Le guide, tu restes derrière lui. C'est pas tu te dis, attends, tu vas me montrer, mais reste derrière moi. Non. Donc le guide, il est poète pour être suivi. Donc, il a récité la Fatiha, et s'il n'a pas laissé d'espace, d'accord ? Après la Fatiha, si tu sais qu'il va laisser un espace, donc le temps de silence qu'il va laisser, là tu récites la Fatiha. D'accord ? Tu récites la Fatiha. Et sinon, dans le sens où est-ce qu'il ne laisse pas d'espace, et puis il va réciter vite, etc., etc., donc toi tu crains Allah le mieux que tu peux. D'accord ? Taqullah mastata'at, donc tu fais ton possible. C'est-à-dire qu'il a récité la Fatiha, ensuite il va enchaîner sur une autre sourate, tu récites la Fatiha. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait avec les sahaba, et il a entendu un des sahabi qui était en train de réciter quelque chose. Et une fois qu'il a terminé la salate, il a mentionné. Donc il a mentionné donc qui donc récite derrière moi. Donc ne récitez rien d'autre si ce n'est la Fatiha. D'accord ? Il n'a pas interdit la récitation de la Fatiha, mais il a interdit le fait de réciter après lui autre que la Fatiha. D'accord ? Du coup, si on récite le surat, vous connaissez par exemple ? Non. On ne peut pas réciter derrière lui. Non, tu récites pas. D'accord, bah ça. Tu récites pas, tu répètes pas la sourate que lui, parce que tu la connais, donc tu te mets à réciter avec lui. Non. Et Allah wa'alam, mais je connais pas de preuve sur le fait de, lorsque l'imam se trompe et que tu lui corriges. Je connais pas de preuve. Après, faut rechercher. Est-ce que c'est rapporté qu'on peut corriger lorsque l'imam, tu vois, lorsque par exemple il a un oubli et puis quelqu'un, s'il ne sait pas, il s'arrête et puis il dit Allahu Akbar, il fait en inclinaison. D'accord ? Parce que si on pense que c'est bien ou quoi que ce soit, il faut une preuve. Il faut s'assurer qu'on a une preuve que c'est permis de corriger l'imam lorsqu'il fait une erreur. Je crois qu'il y a un hadith où il y a sallallahu alayhi wa sallam et qui avait donc fait une erreur pendant la prière. Non. Et qui s'est arrêté. Et après la prière, qui avait dit aux compagnons, qui avait dit pourquoi vous ne m'avez pas repris. Non, c'était pas pour la récitation. C'était pas pour la récitation. Je ne sais plus. Non, c'était pas pour la récitation. Ah oui, le hadith, il a éternué. Non, non, c'est parce qu'il avait prié, et puis il y en avait un qui avait dit, mais envoyé d'Allah, est-ce que yani maintenant la salette est de 5 unités? Ah, d'accord. Il voulait savoir si c'était 5 unités parce que le prophète sallam avait rajouté une nakra en plus. D'accord. Il s'est assuré qu'il y avait une nakra en plus qui a été ajoutée. Et lorsqu'ils ont tous attesté que oui, elle a été ajoutée, alors il a fait deux prosternations après le taslim. D'accord ? Donc ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. On s'est relevé donc de la prosternation, et je disais donc qu'on lève l'index. Dans Majmou' al-Fatawa du Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, rahimahullah. La question lui a été posée, d'accord, elle a été posée comme telle. A-t-il été rapporté un hadith à propos du fait de bouger son index entre les deux prosternations durant la prière? Il répondit oui. Ibn Omar radiallahu anhu a rapporté dans un hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait durant la prière, il pointait son index vers la Qibla. Vous voyez ? Il pointait son index vers la Qibla. Et dans une autre version, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela lorsqu'il se mettait en position assise pour le Tashahhud. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a deux narrations. Il y en a une qui est précise, elle indique pour le tashahhud, et il y en a une autre qui est générale, c'est durant la prière, donc il pointait son index. Lorsqu'il s'asseyait durant la prière, il pointait son index. Entre les deux prosternations. Lorsqu'il s'asseyait, ça peut être entre les deux prosternations ou lorsqu'il s'asseyait. Donc ça c'est général, d'accord? Ça c'est général. Et vous voyez, dans l'autre version, c'est spécifique. C'est lorsqu'il se mettait en position assise pour le tashahhud. Donc il dit, le cheikh, rahimahullah, la première version est générale, alors que la deuxième est spécifique au tashahhud. Ensuite, il explique, il dit, cependant, la règle est que la mention d'un cas spécifique avec une prescription concordant avec celle du cas général n'entraîne pas de spécification. Voilà, bah c'est... je m'attendais à ça. Non, mais c'est important de le dire pour que... C'est important de le dire, parce que parfois, dès qu'il y a des termes qui sont utilisés. La mention d'un cas spécifique. Tu vois, dans le hadith, là, il y a une version qui est rapportée par Ibn Umar, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait durant la prière, lorsqu'il s'asseyait, d'accord ? Ça ne spécifie pas ici la première assise entre les deux prosternations, ou la deuxième ou la dernière, d'accord ? Lorsqu'il s'asseyait durant la prière, il pointait son index, d'accord ? Donc ça, c'est général. La deuxième version... C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, c'est-à-dire il pointait son index, lorsqu'il se mettait en position assise pour le tashahhud. Donc là on voit que ça c'est la version qui est pour spécifique. La première est générale. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit le cheikh rahimahullah, il dit que la règle c'est que la mention d'un cas qui est spécifique pour le tashahhud. Donc ça c'est spécifique, d'accord ? Il pointait son index pour le tashahhud. La mention d'un cas spécifique avec une prescription concordant avec celle du cas général, ça veut dire que c'est en accord avec le cas général, qui est quoi ? Qui est, à chaque fois qu'il est en position assise, lorsqu'il était en position assise, il pointait son index. Non, c'est une sunna qui fait partie des sunnan. C'est pas obligation, si on dit obligatoire, ça veut dire qu'on la rentre dans les... On va la rentrer dans les piliers. Donc, ça veut dire que si tu l'oublies, ta prière est invalide. Non, ça c'est une sunna du prophète méritoire, barakallahu fik, méritoire. D'accord ? Donc, il dit la mention d'un cas spécifique... avec une prescription concordant avec celle du cas général, ça veut dire que le cas spécifique et le cas général, ils vont dans le même sens. En position assise, il pointait son index. Et pour le tashahhud, il pointait son index. Il n'y a aucune contradiction là. On est d'accord ? Parce que dans les deux cas, c'est en position assise. D'accord ? L'un spécifie pour le tashahhud, l'autre, c'est dans les positions assises durant la salat. D'accord ? Donc il dit... Eh bien, ça n'entraîne pas de spécification. Lorsque les deux y sont mentionnés, ça ne veut pas dire qu'il y a le cas général, il y a le cas spécifique. Donc, on doit se tenir qu'au cas spécifique et on ne tient pas compte du général. D'accord ? Comme la prière surrogatoire et la prière obligatoire. Je ne peux pas dire ça. Si par exemple, il y a les kamas, il doit arrêter automatiquement la prière parce qu'elle n'est plus valide. Mais ça, c'est un autre cas, ça. Ça c'est autre chose. Mais oui, ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tu fais pas de prière avant lorsque il y a une ikhama qui est là. On peut conclure qu'il n'y a que le cas spécifique qui est nécessaire. Non, justement. C'est pas ça, justement. Parce que la règle, c'est que le cas spécifique, il mentionne, qu'il pointe son index. Et le cas général, il mentionne qu'à chaque fois qu'il est assis pendant la prière, il pointe son index. Le premier, c'est qu'il dit, il pointe son index pour le tashahhud. Et le deuxième, c'est dans les positions assises durant la salate. Donc, il dit, la règle, c'est que ça n'entraîne pas la spécification à ce que tu disais. Ça veut dire que, eh bien, c'est, il pointe son index que pour le tashahhud. Et que tu ne dois prendre en considération que ce qui est spécifique D'accord ? Non, ça n'invalide pas le cas général. Ça n'invalide pas le cas général. D'accord ? Le particulier concorde avec le général, mais ce n'est pas une obligation de faire le particulier tant que le général est respecté. Mais de toute façon, si tu fais le général, d'accord ? Si tu fais le général, donc à chaque fois que tu es assis, ton index est pointé. Voilà. Que ce soit pour le teshahud ou que ce soit en dehors du teshahud. Tant qu'on a compris, c'est bon. D'accord, c'est clair. D'accord. L'un, ça veut dire que tu as le général et tu as le spécifique. Le fait que tu as une version spécifique, ça ne va pas dire que ça va. Et Annie, donc tu ne prends plus en compte le général. Et que tu dois prendre en compte que le spécifique, non. Mais tu prends donc en compte les deux. Tu prends en compte les deux. Barakallahu fik, barakallahu fik. D'accord ? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit par exemple, il va donner un exemple là. Si un homme dit à un autre, honore les étudiants en sciences religieuses. Honore les étudiants en sciences religieuses. Donc ça, c'est général. Puis il dit, honore Muhammad. Alors que Mohammed est un étudiant en sciences religieuses. Cela ne signifie pas qu'il ne doit pas honorer les autres étudiants. On est d'accord ? Ce sont les exercices de maths dans le camp. Tu vois, il donne un exemple, le cheikh, rahimallah, il dit, un homme dit à un autre homme, honore les étudiants en sciences religieuses. Ça c'est général, les étudiants en sciences religieuses. Puis il lui dit, honore Muhammad. Et Muhammad est un étudiant en sciences religieuses. Donc, ça, le fait qu'il dise honore Muhammad, alors qu'il a dit avant honore les étudiants en sciences religieuses, ça ne veut pas dire que parce qu'il a dit honore Muhammad, ça veut dire que n'honore pas les autres étudiants en sciences religieuses. On est d'accord ? Ça n'invalide pas l'autre, ça n'invalide pas le cas général. D'accord ? C'est ce que disent donc les savants des fondements de la jurisprudence. Ça, c'est encore la parole de Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, rahimallah. Il dit, c'est ce que disent donc les savants des fondements de la jurisprudence. Et le Cheikh Shanqiti, rahimahullah, en fit mention dans son livre intitulé « Adwa al-Bayan ». Là, par exemple, il mentionne cette règle-là. Et il dit notamment l'imam Shanqiti est celui qui a fait le tafsir du Coran, vous savez, Adwa al-Bayan. D'accord ? Il dit, il en a fait mention de cela, donc dans son livre. Donc il dit ensuite, le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, par contre, si ce même homme dit à un autre homme, honore les étudiants, puis disait, n'honore pas celui qui dort pendant les cours. D'accord ? Honore les étudiants. Et après, il lui dit, n'honore pas celui qui dort pendant les cours. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a une négation. Le premier cas, c'était affirmatif. C'est-à-dire que le général ne contredit pas le spécifique. D'accord ? Donc le spécifique n'invalide pas le général. Là, cependant, il y a une négation. Il lui dit, honore les étudiants. D'accord ? Puis, il se met à dire, n'honore pas celui qui dort pendant les cours. Cette deuxième parole spécifierait alors la première. Car il s'agit de la mention d'une prescription contraire à celle qui est générale. D'accord ? Comme elle est contraire, donc elle spécifie que celui qui dort pendant les cours, eh bien, il ne sera pas honoré. D'accord ? C'est clair ? Il continue le Cheikh Mohammed Salah al-Uthaymeen rahimallah en disant, par ailleurs, il existe un hadith spécifique sur cette question rapporté par Ahmed et jugé Hassan par l'auteur du livre intitulé Al-Fath al-Rabbani et Sahih par certains spécialistes qui ont analysé les hadiths contenus dans le livre Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, c'est le livre de l'imam Ibn Qayyim rahimallah. Donc le hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait assis entre les deux prosternations, il repliait tous les doigts de la main droite, sauf l'index qu'il pointait vers la Qibla. D'accord ? Quant à ceux qui sont d'avis qu'il ne faut pas bouger l'index, nous leur demandons alors, que doit-on faire de la main droite ? S'ils répondent qu'il faut l'étendre sur la cuisse, nous leur réclamons la preuve de cette affirmation. D'accord. Si vous dites qu'il faut faire comme ça, qu'on la pose sur la cuisse étendue, on leur demande de rapporter votre preuve. D'accord. Or, aucun hadith ne mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite à plat sur sa cuisse. Et s'il l'avait fait, ses compagnons l'auraient rapporté, comme ils ont rapporté qu'il posait la main gauche à plat sur sa cuisse. D'accord ? Il y a donc trois preuves de cela, et fin de sa citation. Rahimallah. Donc ça c'est clair hein, pour... Ibn Omar. Ibn Omar. Abdallah ibn Omar. Naam. C'est le hadith des deux de Abdallah ibn Omar. Radiallahu anhu. Est-ce que tu as un site avec la classification des sectes qui sont considérés aujourd'hui Oui. Mais enfin, il y a les majeurs. D'accord. Il y a les majeurs, mais après il faut. Mais avant de rentrer dans cela, il faut maîtriser la croyance. Hein. Parce que si tu ne maîtrises pas et tu commences à lire sur cela, tu ne vas pas comprendre l'égarement des égarés. Hein? On se relève de là, on se relève donc du sujoud. On avait vu les preuves dans le fait que la sunna, ce qui est rapporté dans les hadiths, c'est de pointer son doigt entre les deux prosternations, pointer son index droit entre les deux prosternations. Et tu dis, Rabbi Khfirli, retiens en disant Rabbi Khfirli, et puis après, Inch'Allah, avec le temps, tu apprendras les autres. Donc tu dis, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli, Rabbi Khfirli. D'accord ? Donc tu dis comme ça. On ne fait pas l'erreur de faire comme ça, de lever les mains et de retaper ça, comme ça. Ça, ce sont les Shia qui font cela. D'accord ? Comme je disais, parce que les Shia, ils disent qu'ils frappent Jibril, alayhi salam, parce qu'ils font comme ça. Pour s'être trompé à donner la risale à Muhammad au lieu de la donner à Ali. C'est dans leur égarement. Donc, il ne faut pas faire, parce qu'il y en a plein, en plus du bled, ils viennent et ils font... Ils vont loin, hein. Mais c'est des gens qui en sont arrivés à prendre un mouton, à écrire Aïcha avec leur... Et vous le trouverez, les vidéos sur YouTube. Ils prennent Aïcha, ils écrivent avec la peinture rouge Aïcha sur le mouton qui est vivant, là. D'accord ? Sur comment on dit ? La laine de mouton, barakallahu fik. Une fois qu'ils ont terminé d'écrire Aïcha en arabe, tous y viennent, tous, hein, et ils arrachent la laine du mouton pendant qu'il est vivant. D'accord ? Et eux, ils considèrent qu'ils sont en train de torturer Aïcha. Et ils font un gâteau, et vous trouverez tout cela écrit. Eux, ils sont fiers de l'afficher. D'accord ? Ils font un gâteau pour célébrer la mort de Aïcha, radiallahu anha. D'accord ? Non, non, Yani pour eux, Omar ibn Khattab anhu, et Abu Bakr al-Siddiq, anhu, ils sont au plus bas niveau de l'enfer. Ils disent au plus bas niveau de l'enfer, c'est Omar, au-dessus de lui, c'est Abu Bakr, et au-dessus de lui, c'est Iblis. Yani vous voyez l'égarement. C'est-à-dire des gens qui ont des paroles comme ça, tu crois qu'ils auront qu'ils émettront une certaine pudeur envers les anges, Jibril, alayhi salam. Ils disent qu'ils frappent Jibril pour s'être trompé de donner la risale, subhanallah. A'oudou billah. C'est vrai, c'est pas tous les chiites qui sont comme ça, non ? Tous les chiites sont des rawafid. Maintenant, les rawafid, ça, ce sont les chiites, les extrêmes. Mais aujourd'hui, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que tu vas trouver, Idriss, tu vas trouver, par exemple, des rawafid qui sont des alawiyin, comme l'autre, là, Bachar al-Assad. Ce sont des kuffars, ceux-là. Les alawiyin, ce sont ceux qui croient que Allah est rentré dans Ali. A'oudou billah. Donc, et il y en a d'autres qui vont avoir, mais ce sont des subdivisions de branches. Mais ils se rejoignent tous sur le même socle. C'est parce que, Et c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs l'aide inconditionnée de l'Iran la secte chiite et les alawites là. Donc c'est ça. Mais Allah al-Musta'an. Mais vous voyez en même temps les alliances secrètes qu'il y a entre les Khawarij, les chiens de l'enfer, là, c'est les Daesh et tout cela. Là. Les alliances secrètes qu'il y a entre eux et les Shia. Parce que à eux tous, leur problème, ce sont les gens de la Sunna. C'est tout. Donc Allah al-Musta'an. Mais ça, on le verra ça plus dans le détail, Inch'Allah. Bi'idnillah. Donc, Barakallahu fikum, il s'est relevé de la prosternation. La sunna, c'est de pointer l'index en direction de la qibla. D'accord. Et on dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ensuite, il dit Allahu Akbar et il revient en prosternation. D'accord. Et il dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Et il fait le plus d'invocations. Donc, ensuite, il se lève en reposant donc ses poings cette fois-ci, d'accord. Donc il s'assied un moment, puis il pose ses poings et il se lève en disant Allahu Akbar, d'accord. Et il commence la deuxième rak'a comme on avait vu la première, d'accord. Quand il se relève, il est battu, il fait pas le geste des mains. Non, parce que là c'est pas le tashahhud là, d'accord. Il fait le geste des mains après avoir le tashahhud. Voilà, c'est-à-dire il se lève comme ça, il fait. Donc il était assis comme ça et il fait Allahu Akbar. Il pose directement main droite sur main gauche sur poitrine. D'accord. Voilà. Non, on avait dit qu'il n'y a qu'à quatre endroits. À la première takbirat l'ihram, lorsqu'on va en inclinaison, lorsqu'on se relève de l'inclinaison, donc tout ça, ça fait trois. Et la quatrième, c'est après le tashahhud. Le premier tashahhud. Voilà. Oui, parce que de toute façon, le deuxième tashahhud, c'est le taslim. Donc, après le premier tashahhud, tu vois. Donc, une fois que tu as terminé, tu dis Allahu Akbar en levant tes mains. D'accord. Donc, ça, c'est le quatrième. D'accord. Et tu répètes ça donc dans la salle. Une raka'a. D'accord. Une raka'a à la salle. Donc, tu répètes ensuite. Donc, il y a un moment, on se lève, on ne fait pas ça. Non. Ça, c'est lorsque la première prosternation. Donc, tu vois, tu as fait les deux prosternations. Tu te relèves, tu ne lèves pas tes mains. Tu ne lèves tes mains lorsque tu te lèves de la position assise qu'après avoir fait le premier tashahhud. D'accord. Donc, barakallahu fikum. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yajlisu litashahhud ba'd al-faragh min ar-rak'ati ath-thaniya. Donc, après qu'il a fait la deuxième rak'a, d'accord. Donc, il s'est relevé, il a récité la Fatiha, des versets après la Fatiha ou une sourate. Et donc, s'il y avait, il fait inclinaison, il se relève de l'inclinaison, il revient en prosternation, d'accord. Comme on a décrit. Et puis là, après la deuxième prosternation, donc il s'assied, il se met en pour faire le tashahhud. Donc là, il lève aussi l'index droit, donc la main gauche, la paume gauche sur la cuisse gauche, et la main droite en forme de poing avec l'index pointé vers la qibla. Et on regarde l'index pendant qu'on fait le tashahhud, d'accord. Est-ce que l'index, il bouge ou pas? Après, il y a eu une divergence sur cela. Quand est-ce qu'il bougeait? Quand est-ce que... Oui, il bouge l'index. Et donc, lorsque... Et Allah wa'ala, donc l'avis qui serait... que mentionnent donc les savants, c'est lorsque tu es comme ça, tu vois. Tu dis, at-tahiyyat ou l'aide. Donc, c'est... Il est comme ça en direction. Et lorsque tu le bouges pas en faisant des circonférences comme ça. En tournant comme un cercle. Ou bien tu fais comme ça, là, comme il y en a, je ne sais pas ce qu'ils font, ils font comme ça, de droite à gauche. Ou... Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu restes en direction de la Qibla. Donc tu dis, At-tahiyyatu lillahi, salawatu tayyibatu, assalamu alayka ayyun nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wa ashhadu. Tu vois là ? Dès que je commence à faire les deux attestations de foi, je commence à lever tout doucement, mais tout en restant en direction de la Qibla. Donc je ne fais pas comme ça. Je fais tout doucement, un léger mouvement en fait de l'index. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et après tu peux faire d'autres invocations et en restant à bouger légèrement de haut vers le bas, mais vraiment de façon très discrète. C'est limite que lorsque quelqu'un d'autre voit, tu vois, regarde. Si je me mets comme ça là. D'accord. Allahumma atini fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. T'as pas l'impression qu'il bouge, tu vois? Je fais vraiment de légers mouvements de haut vers le bas, d'accord. Donc je fais ça pendant le tashahhud et pendant les invocations, d'accord. Parce qu'après avoir dit les deux attestations de foi, d'accord. Eh bien, donc il est permis de dire des invocations, d'accord. Tu invoques Allah Azza wa Jalla. Donc tu bouges légèrement de haut vers le bas lorsque tu prononces les deux attestations de foi et lorsque tu fais des invocations, d'accord. Non, c'est invocation diverse. C'est-à-dire, tu dis, oh Allah, donne-moi dans ce bas monde du bien et dans l'au-delà du bien. Hein? Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, raffermis-moi. Oh Allah, tu vois, tu invoques Allah Azza wa Jal. Non, c'est pas des invocations, yani, tu vois, ou est-ce que c'est, par exemple, Rabbana alak alhamd, tu vois, ou hamd al-kathir. C'est juste, tu vois, des différentes. Tu invoques Allah Azza wa Jal en fonction, comme tu l'invoquerais lorsque tu es en position de prosternation. Ah, justement, est-ce que tu peux faire des dua de ta propre manière? Oui, tu invoques Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas, je veux dire, tu ne dis pas par exemple, c'est pas comme je te dis un dua qui est spécifique comme lorsque tu te relèves de l'inclinaison, tu vois. C'est que c'est ouvert à toi, yani, l'invocation que tu fais. Tu invoques Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, tu invoques Allah Azza wa Jal qu'il te donne, yani, chacun. Non? L'imam Ahmed rahimahullah, enfin, je vous dis l'imam Ahmed, mais les savants mentionnent que tout dans la prière doit être fait en arabe. D'accord ? Tout dans la prière doit être fait en arabe. Tu ne peux pas réciter la Fatiha en français. Cependant, pour les invocations, c'est permis de le faire en la langue que toi tu maîtrises. D'accord ? C'est-à-dire que si tu ne connais pas l'arabe, ben, tu ne vas pas rester silencieux parce que tu ne sais pas comment dire, comment invoquer Allah Azza wa Jal en arabe. D'accord ? Mais tu invoques Allah Azza wa Jal avec tes mots, comment que tu maîtrises. D'accord ? Ou Allah parle, si tu ne sais pas parler en arabe, on ne va pas dire à quelqu'un, eh bien, t'invoques pas. Non, tu invoques Allah Azza wa Jal avec les mots que tu connais. Ou Allah, pardonne-moi. Ou Allah, raffermis-moi. Ou Allah, guide-moi. Ou Allah, donne-moi du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'accord ? Donc. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. Donc il s'asseyait pendant le tashahud de la même façon comme il s'assoit entre les deux prosternations, et c'est le même cas, d'accord, il s'assoit de la même façon, donc pour le tashahud, pour les salettes qui sont à deux rak'at, comme le subh ou le fajr, ça dépend comment on appelle l'obligatoire, d'accord. Donc les deux prières obligatoires là du matin, d'accord. Donc le subh, certains l'appellent le fajr. D'autres disent le fajr, ce qu'on se réfère à aux sunan qui sont avant, d'accord. Donc bon. Mais donc je parle des deux prières obligatoires. D'accord. Et même dans les prières surérogatoires avant le fajr. Donc, au tashahud, il s'assoit de la même façon comme il s'assoit lors de l'assise que tu as entre les deux prosternations. D'accord. C'est la même façon. Il ne change pas sa façon de faire. Voilà, c'est comme ça. Tout le temps, je m'assois sur la jambe gauche, d'accord, et le pied droit, donc avec les orteils en direction de la qibla. D'accord. Ça, c'est pour entre les deux prosternations. D'accord, que ce soit dans le premier tashahud de la prière à 3 unités comme dans le maghrib, ou bien à 4 unités comme dans le dhuhr et le asr et le isha, d'accord. Wa kana idha qa'ada fi at-tashahud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra wa kana yabsutu al-yusra ويقبض اليمنى. Donc il met la main gauche comme ça, ensuite il se met à يقبض, ça veut dire il empoigne la droite, d'accord. يقبض اليمنى ووضع كفه اليسرى على الرقبه. يقبض اليمنى ويشير بالسبابه ويرمي ببصره اليها. D'accord. Donc il empoigne la droite, pointe l'index en direction de la qibla et son regard est fixé sur l'index. On est d'accord ? وَكَانَ إِذَا رَفَعَ أُصْبُعَهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا وَيَقُولُ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يعني سبابة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il expliquait aux sahaba concernant l'index pointé en direction de la qibla, il dit, elle est plus dure pour le shaitan que le fer. D'accord. Elle est plus dure pour le shaitan que le fer. D'accord. La sabbaba, c'est-à-dire l'index. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. Donc il récitait donc dans après deux unités de prière, donc la tahiyya, vous voyez, tahiyyatu lillah, donc ce qu'on fait dans le... Et puis il envoyait donc les salettes donc soit sur lui-même, c'est-à-dire sur le prophète sallam, Allahumma salli ala Muhammad, d'accord. Wa shar'a, n'am. Non, il disait pas Sayyidina Muhammad. Il disait Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad, il n'y a pas de. Il n'y a aucune version qui mentionne Sayyidina. C'est plus par rapport à le fait qu'il disait Muhammad. Le fait qu'il disait Allahumma salli ala Muhammad. Ou bien il disait moi. Il disait Allahumma salli ala Muhammad. C'est comme ça qu'il a enseigné les Sahaba. Et c'est pour cela que. Abdallah ibn Mas'ud, parce que ça on va le voir plus en détail lorsqu'on va voir preuve par preuve, d'accord. Et Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mentionnait que eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de le dire comme ça, comme il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, voilà. Et après sa mort, il s'est mis à dire Allahumma salli ala nabi. D'accord. Allahumma. Alors attends. Je suis en train de mélanger deux informations là. Donc ne prenez pas en compte ce que je viens de vous dire là. Donc non, c'est lorsqu'il faisait la tahiyya. Il disait at-tahiyyatu lillah. As-salawatu at-tayyibatu as-salamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. D'accord. Donc que le salut soit sur le prophète Muhammad. D'accord. Et après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait pas « Assalamu alayka ayyuha nabi ». D'accord. Que le salut soit sur toi, au prophète. Il disait « Assalamu ala nabi ». Que le salut soit sur le prophète. D'accord. Est-ce qu'on a compris cette distinction-là? Mais les savants, comme le cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin, rahimallah, a dit « Mais on se doit de se tenir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné ». S'il l'a enseigné comme ça, on se doit de se tenir sur cela. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Et le prophète, sallam, il l'enseignait comme ça, c'est sahaba, donc ils apprenaient de lui. D'accord. Puisqu'il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. D'accord. Et on va terminer sur ce point-là, inshallah, d'accord. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. Et donc là c'est la fin de la description là de la prière. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, une fois que là il en est au dernier tashahhud, d'accord, au dernier tashahhud, eh bien, une fois qu'il a fait le tashahhud et qu'il a dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, comme on va le voir dans le détail inshallah la semaine prochaine, eh bien, une fois qu'il a terminé cela, il disait plusieurs invocations, d'accord, plusieurs invocations, et notamment il y a quatre invocations qu'il faut éviter d'oublier. D'accord, c'est de rechercher le refuge contre l'antéchrist, le Messie Ad-Dajjal, de rechercher le refuge contre les tribulations de ce bas monde, d'accord, et lors de la mort, d'accord, de rechercher donc le refuge contre le châtiment de la tombe et de rechercher le refuge contre le châtiment du feu de l'enfer, d'accord. Et bien sûr, étudier après d'autres invocations. D'accord. Une fois que tu as dit cela, tu dis d'autres invocations. Et donc, lorsqu'il fait le salam, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'accord. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et parfois, il disait, lorsqu'il disait à droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'accord. Donc, parfois, il rajoutait al-barakatuh pour la droite. D'accord. Lorsqu'il disait à droite. Donc on va s'arrêter là, inshallah, et puis la semaine prochaine, on va commencer les piliers de la prière, inshallah. D'accord ? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.